Copyright Goethe Verlag München. Book 2, des cours audio dans de nombreuses langues. Allez sur le site www.book2.de pour télécharger la dernière version. Un. واحد. واحد. Les gens. الأشخاص. الأشخاص. Moi, je. Anna. Anna. Moi et toi. Anna wa anta. Anna wa ant. Nous deux. Nahnu l'ithnan. Nahnu l'ithnan. Lui, il. Hua. Hua. Lui et elle. Hua wa hiya. Hua wa hiya. Eux deux. Kilahuma, kiltahuma. Kullahuma. L'homme. Ar-rajul. Ar-rajul. La femme. Al-mar'a. Al-mar'a. L'enfant. الطفل. الطفل. Une famille. عائلة. عائلة. Ma famille. عائلتي. عائلتي. Ma famille est ici. عائلتي هنا. عائلتي هنا. Je suis ici. أنا هنا. أنا هنا. Tu es ici. أنت هنا. أنت هنا. Il est ici et elle est ici. هو هنا وهي هنا. هو هنا وهي هنا. Nous sommes ici. نحن هنا. نحن هنا. Vous êtes ici. أنتم أنتن هنا. أنتم هنا. Ils sont tous ici. كلكم كلكن هنا. كلكم هنا.